Je rêvais d'une autre France, une terre de nuances, un pays sans préférence, où chacun aurait sa chance. Je rêvais d'une autre France, une terre d'espérance, comme une arche d'alliance, un pays où tout commence. Je rêvais d'une autre France, une terre d'abondance, une terre d'opulence, qui donnerait à chacun l'aisance. Je rêvais d'une autre France, d'un pays de connaissance qui donnerait sa confiance à chacun pour qu'il avance. Je rêvais d'une autre France, comme un pays de prestance, une nation d'influence, un pays d'où tout s'élance. Je rêvais d'une autre France qui chasserait l'ignorance, une France d'excellence pour les arts et pour la science. Je rêvais d'une autre France.